Galerie Est, à 20 minutes de Wish City. Super, tout le monde! C'est une grosse pause de déjeuner maintenant! Il est 16h, plus que 4h avant la fin du service! Allez, tenez-vous! Nous étions là à creuser, à fouiller la terre depuis 8h. Et la quatrième pause déjeuner arrivait à point nommé. Ah, enfin! C'est que je crois que la moitié de mon sandwich contre la moitié du moi j'ai un peu trop faim quand ils ont même, encore mis du bacon! Il y a un enfoiré qui m'a cassé ma pioche! Friedrich venait encore de se faire casser quelque chose. Le plus dur pour lui, c'était que cette fameuse pioche était la dernière casse-ta-tête 3000. Fleuron des pioches du moment. Nous nous sommes assis sur un petit muret, vous et moi, avec nos petites caisses à bouffe. J'ai ouvert la mienne pour en sortir un sandwich. Creuser, ça donne faim mine de rien. Squeak, au fait, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Booze s'est penché sur le côté, a pris quelque chose et me l'a tendu. Une grosse boîte tout plein de couleurs. Vraiment, c'est pour moi? Oui, c'est parce qu'on est copains depuis si longtemps et... Enfin voilà, je voulais te remercier pour tous les bons moments où tu m'as donné un coup de main. Ben, écoute, Booze, je sais pas quoi dire. Bah, ouvre! Ben, oui, c'est ce que je vais faire. J'ai ouvert la boîte pour découvrir un casque de chantier, mauve, orné de petites têtes en poils, comme des pompons. Un casque que même si ta maman voulait que tu le portes, bah, tu lui intenterais un procès, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. Tu vas le mettre quand même? Oui, à mon enterrement, mais je te jure, ça me fait plaisir. Ah. Et sinon, t'as le dernier numéro du Grand Bafouiche? Le Grand Bafouiche, le journal officiel de Wish City. Alors qu'il prenait un de ses quatre sandwichs, Booze m'a tendu un exemplaire du journal. Il y a des photos de Mila. Elle est drôlement belle quand même. C'est vrai. La plus belle des gnomes de Wish City. Mais c'est la fille du grand dirigeant, une fille de la haute. Ça doit être bizarre quand même d'être la fille du maître de Wish City. Tu peux tout avoir, tout faire quand tu veux. T'es un peu comme Dieu, quoi. Ouais, l'omnipotence en moi. Pourquoi? Tu veux la pendre? Non, non. Omnipotence, pas la potence, c'est... Laisse tomber. Booze, c'est mon copain. Mais il est assez limité, des fois. J'ai parcouru d'un regard rêveur les photos de la fille de notre dirigeant. Mila. J'ai refermé le journal brusquement. Pourquoi? Pour ce qui t'arrive? Non, non. Rien. De toute façon, c'est pas une fille pour moi. On sait jamais, hein. Peut-être qu'un jour, tu la rencontreras. Faut toujours croire à la chance. Qu'est-ce qu'elle aura à faire d'un pauvre petit creuseur? Elle, la fille du grand dirigeant de Wish City. Avis à tous les creuseurs! Allez, hop, on reprend le travail! Faut creuser maintenant! Allez, Booze, finis tes sandwichs. Faut qu'on retourne au boulot maintenant. J'en ai marre! J'ai jamais le temps de manger mes 4 sandwichs, moi! Wish City, la même heure, le palais. Madame Mila, vous ne pouvez pas sortir du palais! Votre père vous l'interdit! Mon père, toujours mon père! Il se contente pas de diriger Wish City, il me dirige aussi! J'ai l'impression de n'être qu'un vulgaire creuseur à ses yeux! Oh mais non, madame, je vous assure! Et ces deux gardes là, ils vont m'empêcher de sortir! J'en suis sûre! Eh, je peux sortir? Non, madame! Votre père veut pas que vous quittiez le palais, alors nous, vous voyez bien, on peut pas vous laisser sortir. Hein. Et si je vous provoque en duel, hein? Je vous tue et ensuite je sors. Madame, je vous en prie, vous vous donnez en spectacle devant ces deux gardes. Mais peut-être que ces deux gardes aiment le théâtre. Et si je jouais le rôle d'une femme qui a envie de sexe, vous feriez quoi? Eh, je me dirais que la vie est drôlement mal faite quand même. Pourquoi ça? Parce que je vous plais? Et bien sûr, comme je suis la fille du grand dirigeant, vous n'oseriez même pas me toucher. Voilà, je crois que vous avez su cerner le problème. Madame Mila, je vous en prie, retournez dans votre chambre. C'est pas une chambre, c'est une prison. Avec des draps en soie. Pardon, désolé. C'est que vous nous avez mis sur une lancée et... Madame Mila, vous dérangez ces gardes. Et Et si j'étais un homme, ça changerait quelque chose? Bah là, si vous vouliez vous battre avec nous... Disons que là, on se sentirait moins gêné. D'accord. Alors, vous l'avez bien reluquée, ma servante? Oh, madame! Elle est bonne, hein? Moi, perso, je me la prendrais bien sous une porte cochère, vite fait, bien fait, et je te jure, je lui boufferais bien le cul, moi. Madame! Ça vous va comme ça? Disons, c'est un peu grossier, quoi. Mais vous cernez bien le problème. Voilà. Maintenant, je suis prête pour mon pénis. Madame! Ouais, ouais. Je retourne dans ma chambre, je sais. Et je vais pas sortir du palais. Pas ce soir, du moins. Bref.